tu l'as ce soir, je suis mortel. Viens pas, je suis dans Mandel. Qu'est-ce qu'il y a, petit? Tu me fais le voyou. Tu ne m'arrives pas à l'orteil. Sa zone chargée sur la A5. Ils font les vaillants. Ils étaient tarpés, y'a rien poteau, on était à 7. Rappelle-toi à l'ancienne, quand vous avez rien dans vos assiettes. Quand vous étiez à sec, suffit d'une pièce, on vous achète. La main sur le cœur, le doigt sur la gâchette. Pas trop la tête à faire la fête. Heureusement que j'ai pris réversible, y'avait des marques de couteau de l'autre côté de ma veste. Je ne peux rien y faire. Je ne peux rien y faire. Je ne peux rien y faire. Je ne peux rien y faire. Eh vas-y, on va là-bas. Je ne peux rien y faire. Ils font pas tourner là-bas. Je ne peux rien y faire. Tu vois les petits en Yamaha. Je ne peux rien y faire. S'ils veulent te mettre dans la mode. Je ne peux rien y faire. Ma vie me stresse, mon cœur est plein de bobos. À force de rester devant le mic, j'ai mal au dos. Je bois un verre pour changer d'atmosphère. Je m'évade un peu parce qu'en ce moment c'est. Et oui, on a un cerveau, on s'en sert. Les potes me disent, c'est lui l'osser. Ça veut tout niquer à la sortie. Ça veut s'évader pendant son transfert. Pourquoi tu parles, tu es plein d'embrouilles. Je suis bien seul, je ne veux pas d'amis. Je veux pas savoir, je ne peux rien faire. Si dans ton check, pour tout ça te la mise. J'respecte tout le monde, j'aime pas quand le temps monte. J'aime pas quand je gamberge parce que la vie me tourmente. Me chauffe pas, reste dans ton monde. Boîte, drogue, hôtel et tournante. Y'a que les jaloux qui diront que j'ai changé. Y'a que les jaloux qui voudront se venger. T'as la haine mais j'te connais pas, t'es un étranger. J'tais le courageux, j'suis pas fragile. Sur le grand-père Abdel Rachid. Mais si tu me parles comme si on a grandi ensemble. Non, j'ai pas besoin d'une frangine. Je veux descendre les faux, monter les vrais. Prendre ce qu'on les crocs et monter les fesses. J'suis toujours le même, du the best. J'suis toujours la frangine si tu veux test. Je ne peux rien y faire. Je ne peux rien y faire. Je ne peux rien y faire. Je ne peux rien y faire. Eh vas-y, on va là-bas. Je ne peux rien y faire. Ils font pas tourner là-bas. Je ne peux rien y faire. Tu vois les petits en Yamaha. Je ne peux rien y faire. S'ils veulent te mettre dans la mode. Je ne peux rien y faire. Je ne peux rien y faire. Je ne peux rien y faire. Je ne peux rien y faire. Je ne peux rien y faire. Eh vas-y, on va là-bas. Je ne peux rien y faire. Ils font pas tourner là-bas. Je ne peux rien y faire. Tu vois les petits en Yamaha. Je ne peux rien y faire. S'ils veulent te mettre dans la mode. Je ne peux rien y faire. Je ne peux rien y faire. Eh vas-y, on va là-bas. Ils font pas tourner la balle. Tu vois les petits en Yamaha. S'ils veulent te mettre dans la mode. Je ne peux rien y faire.